Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le premier numéro d'Actu du mois de juin. Alors comme toujours, on va revenir sur l'actualité de Kubernetes. Pour rappel, vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour participer en direct à ce numéro. Et vous pouvez également participer sur le repository GitHub qui est en description, où on a toutes les actualités en fait qu'on peut partager, qu'on a vues, qu'on classe et dont on va parler aujourd'hui. Alors le programme, on va revenir un peu sur l'actualité des développements, l'actualité également dans le monde des applications Kubernetes natives. On va essayer de voir ce qui existe et ce qu'on peut faire avec. Et enfin, une petite actualité sur Istio et sur les cloud providers. Eh bien, on commence tout de suite. Alors, on va faire un premier point déjà sur l'actualité des développements autour de Kubernetes, c'est-à-dire les dernières pull requests qui ont été acceptées et celles qui sont en voie de l'être. Alors forcément, temps de Covid oblige, on n'a pas forcément beaucoup d'actualités, il se passe pas beaucoup de choses en ce moment, et c'est un peu normal vu ne serait-ce que l'actualité Covid, mais également l'actualité aux États-Unis ces derniers jours, et c'est totalement normal. L'actualité déjà, c'est la notion des logs. Donc à l'heure actuelle, les logs dans Kubernetes sont gérés par une librairie en Go qui s'appelle Klog, donc Klog V1 pour l'instant. Le but à terme, c'est de réussir à avoir une gestion des logs qui soit structurée. Donc c'est-à-dire où au sein d'un log, donc de type info, erreur, warning par exemple, on est également une gestion de clés valeurs, par exemple pour surcharger plus les données des logs. Typiquement, à terme, le but, c'est d'avoir des logs en JSON, par exemple, qui vont après pouvoir être traités facilement par le reste de l'infrastructure. Donc voilà, par exemple, les choses qui sont en train d'apparaître dans Kubernetes. Qu'est-ce qu'on a également ? On a quelques petits points qui sont en train de passer, donc des points qui étaient deprecated dans les dernières versions et qui commencent à être véritablement enlevés en vue de l'arrivée de la 1.19. Notamment, on peut penser au label beta.kubernetes.io, par exemple, sur les nœuds. Donc, beta.kubernetes.io/os, beta.kubernetes.io/arch. Donc, si jamais vous utilisez ces labels-là, sachez qu'en 1.19, ils ne seront plus présents. Donc, faites attention à ça. Après, on a d'autres points qui ont été faits, mais comme je l'ai dit au début, pas de très, très grosse activité. On a des choses qui sont faites autour du packaging des images, autour notamment de l'etcd qui maintenant utilise distroless, donc qui est une base de conteneurs fait par Google. Si jamais vous connaissez pas, vous pouvez aller voir distroless qui vous permet d'avoir des images de conteneurs les plus fines possibles et donc simples à mettre à jour. En tout cas, c'est le but. Voilà. Donc pas beaucoup d'autres développements en tout cas que j'ai vu autour de Kubernetes ces deux dernières semaines. J'espère qu'il y en aura plus les fois prochaines. Peut-être que je suis passé à côté également. Mais voilà un peu. Autour des logiciels et des annonces qui ont été faites ces deux dernières semaines, alors il y en a deux que j'ai retenues. Mais on va déjà parler de Quarkus. Alors Quarkus, c'est une annonce qu'a fait Red Hat. C'est un framework Java qui est voulu comme étant Kubernetes native. Alors d'ailleurs, les termes sont choisis, ils sont vraiment choisis de manière forte par Red Hat, c'est-à-dire ils n'ont pas choisi le terme cloud native, ils ont choisi le terme de Kubernetes native. Pourquoi cette différence ? Parce que vraiment, ces applications-là sont faites, celles qui seront faites en tout cas avec le runtime Quarkus, sont faites pour tourner dans un écosystème Kubernetes. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités que l'API Kubernetes propose. Mais surtout, elles sont faites pour être dédiées à tourner dans Kubernetes, c'est-à-dire à être hautement scalable. Par exemple, ils ont fait un effort pour réduire à tout prix le temps de lancement, faire en sorte que l'application soit le plus vite possible up and running, pour faire en sorte que quand vous la scalez ou quand vous faites même des mises à jour, ces mises à jour se fassent le plus simplement possible. On a aussi toute une gestion de la mémoire, de faire en sorte de ne pas prendre trop de mémoire en avance et donc potentiellement se faire killer par l'OOM, l'Out of Memory Killer de Kubernetes. Et aussi faire en sorte que l'application soit la plus petite possible pour être déployée facilement. Il faut penser à chaque fois que si votre image est lourde, vos déploiements vont être d'autant plus lents à être faits. Si jamais vous le faites sur plusieurs nœuds, eh bien à chaque fois votre temps d'image pool va prendre autant de temps que ce qu'il faut pour être téléchargé. Tant en tout cas qu'on n'a pas une gestion d'image à l'intérieur de Kubernetes. Je pense que ce sera l'objet un jour d'un sujet dans ton cube dédié à ça, la gestion des images dans Kubernetes et notamment le air gap, c'est-à-dire comment on fait pour gérer les clusters qui sont en dehors du monde, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à Internet directement ou à un Internet très lent. Et je suis sûr que Barthélémy sera très content d'en parler parce que ça a été un des sujets majeurs de tout son travail ces derniers mois. Voilà. Et là, à l'heure actuelle d'ailleurs, il est assez pris par son travail pour nous en parler. Mais très vite, j'espère qu'il pourra venir nous en parler. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette actualité de Quarkus, c'est qu'en fait, toute cette notion de Kubernetes native, de cloud native, à l'heure actuelle, on a beaucoup d'annonces qui parlent de ça. Notamment, on a DataStax, donc qui est un des mainteneurs de Cassandra, qui à l'heure actuelle est en train de travailler pour rendre Cassandra cloud native. Alors eux, dans leur cas, ils parlent de cloud native, mais c'est complètement lié, pareil, à Kubernetes. Donc à voir si on parle dans leur cas de Kubernetes native ou de cloud native, en tout cas parle de cloud native. Mais voilà, ils font un travail autour d'opérateurs, autour de transformation pour faire en sorte que Cassandra puisse être utilisée facilement au sein d'un univers Kubernetes native. Et sans doute, en fait, ce type d'annonce-là risque de s'accentuer. On verra ça, bien sûr, dans les mois à venir. Mais vraiment, on voit que beaucoup de gens, à l'heure actuelle, travaillent sur rendre leur application la plus facilement utilisable dans Kubernetes. Donc, pendant un temps, en fait, on se demandait comment on allait adapter notre application à Kubernetes, comment, en fait, on allait faire en sorte d'installer un MySQL à l'intérieur de Kube, installer Alors, tous les frameworks tous les runtime frameworks en Java, notamment Spring Boot, par exemple, comment on fait pour l'intégrer dans Kube, etc. Eh bien, en fait, au fur et à mesure, ça devient l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, les runtime, les logiciels commencent à s'adapter directement pour tourner dans Kube. Et peut-être demain, malheureusement ou heureusement, je sais pas, on se demandera comment on fait pour faire tourner dans l'inverse, faire tourner ces logiciels-là à l'extérieur de Kubernetes. Et on verra, en fait, comment ça se passe à ce niveau-là. Autre annonce assez importante, et je sais que beaucoup l'utilisent, on a l'annonce de Istio 1.6. Alors, Istio 1.6, c'est une mise à jour qui est pas du tout une mise à jour mineure, pour le coup, qui est vraiment une mise à jour assez importante, pas forcément en termes de fonctionnalités, on a quelques petites fonctionnalités en plus, mais surtout en termes de fonctionnement interne. Puisqu'en fait, maintenant, alors c'était déjà le cas dans la 1.5, mais maintenant on a Istio 10. Donc en fait on a un travail qui, au lieu d'être plusieurs binaires qui parlent entre eux avec des flux réseau, etc., pour la partie control plane d'Istio, à l'heure actuelle tout le control plane d'Istio est inclus à l'intérieur d'Istio 10, qui est en fait un single binary. Donc demain, mettre à jour Istio doit être beaucoup plus simple, puisqu'on n'a qu'une seule image, un seul deployment à gérer pour mettre à jour tout le control plane d'Istio. On a d'ailleurs la ligne de commande Istio CTL upgrade qui doit permettre de faire ça, même si on peut le gérer soi-même. On a en fait cette commande Istio CTL qui doit maintenant faire en sorte de gérer plus simplement tout le cycle de vie de Istio. Et donc en gros, on a vraiment un travail qui est fait dans ce cadre-là. Alors on verra ce qui se passe dans les futures releases. En tout cas, là voilà, on a vraiment dans la release 1.6 une façon beaucoup plus simple d'installer Istio. J'ai pas fait de test encore à l'heure actuelle, ça sera sans doute d'ailleurs le sujet d'un Let's Deploy si jamais vous me suivez sur Twitter et sur Twitch. Donc voilà, Let's Deploy, c'est une chaîne Twitch dans laquelle on teste l'installation de logiciels. Et pour aujourd'hui, par exemple, donc aujourd'hui 1er juin, j'avais proposé de faire du Istio 1.6. Et voilà. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'installer pour une prochaine fois. Là, aujourd'hui, ça sera Argo CD, par exemple. Donc, si jamais vous l'écoutez en podcast plus tard, sachez que normalement, vous devez pouvoir aller voir un Let's Deploy qui est essayer d'installer et de faire des premiers déploiements de Argo CD. Enfin, on va avoir les news sur les cloud providers. Eh bien, encore, sans doute Covid oblige, actualité aux États-Unis oblige, on a vraiment des releases qui sont très très faibles. Alors déjà, sur EKS, eh bien, depuis les dernières semaines, je n'ai pas eu d'annonce, en tout cas. Peut-être qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites en interne. Mais en tout cas, pas d'annonce officielle sur leur release note. Donc déjà, voilà, côté EKS, rien de spécial à dire. Et côté GKE, on a eu plutôt voilà des choses très très mineures, des mises à jour mineures de Kubernetes qui ont été faites, même pas des mises à jour faites dans les channels, donc dans les versions qui sont automatiquement mises à jour. Sauf en régular, je vois, et un peu en rapide. Et même en plus, ces mises à jour-là ont eu des problèmes, c'est-à-dire qu'on a eu une annonce de rollback sur certaines versions de Kubernetes sur GKE, sans plus d'informations d'ailleurs, avec juste bug, on fait un rollback, n'installez pas cette version. Donc voilà. Et côté AKS, pareil, très peu d'informations. Très peu de release notes, des mises à jour mineures, des mises à jour de certaines images, voilà. Rien de plus à ce niveau-là. Donc en tout cas, si vous n'avez pas vu de news ces deux dernières semaines, moi non plus. Voilà un peu pour ma partie, voilà en tout cas pour les actualités de Kubernetes. Je vous laisse, comme je l'ai dit au début, revenir sur le Discord pour commenter ce qu'on vient de dire là. N'hésitez pas à venir... Postez vos news, celles que vous avez vues, un nouveau projet dont vous avez envie de parler dans le repository GitHub qui est en description. Et voilà, et bien je vous dis à une prochaine et à bientôt.